Mais en 1991, j'aborde doucement mes 16 ans. Je fais partie d'un clan immonde qu'on appelle les adolescents. Y'a pas d'illusion à se faire le matin pour nous réveiller. Avant 16h, c'est la galère, on est dans le lit comme un ciné. Adolescent, le mot résonne dans la bouche de nos parents qui savent pas vraiment qui nous sommes. On a qu'une culture, un patrimoine à préserver. Monsieur, madame, je vous l'assure, l'ado est pas vous menacer. On vit au rythme de la mode, de la radio, de la télé. Nos choix de vie sont tout comme dictés par la publicité. Le cafanaum de nos chants, celui qui règne dans nos idées. Les responsabilités que l'on doit prendre, on les trouve dénuées d'intérêt. Adolescent, le mot résonne dans la bouche de nos parents. Ils savent pas vraiment qui nous sommes. On incarne une culture, un patrimoine à préserver. Monsieur, madame, je vous l'assure, l'ado n'est pas vous menacer. Pour manger, c'est une autre histoire. Les légumes, on est allergiques. Mais un burger, un soda, bref, de quoi boire. Juste pour accompagner nos frites. Et la musique que l'on écoute, vous savez, celle pour vous réveiller. Celle utilisée par les scouts pour chasser leur gibier. Adolescent, le mot résonne dans la bouche de nos parents qui savent pas vraiment qui nous sommes. On incarne une culture, un patrimoine à préserver. Monsieur, madame, je vous l'assure, l'ado est par vous menacé. On boit, on fume et on cumule les gardes à vue. Les indemnités, nous sommes des êtres sans scrupules. Le respect, on l'a oublié. Si ma chanson vous a plu, madame, monsieur, permettez-moi de rajouter que cette définition n'est pas celle de l'ado, non, mais de l'image que vous